bonheur, ça fait bien loin qu'il n'est plus l'heure. Moi j'ai remis au grenier, mûrir mes pleurs et mes idées. Mais au fond de moi, tout au fond, derrière les boîtes et les cartons, je garde encore le fol espoir, un jour peut-être de te revoir. Je garde un jour peut-être de te revoir. Et dans mes nuits, je vois encore, oui, dans mon lit, ton corps qui se dessine sous les draps ou qui s'anime sous mes doigts. C'est pas facile quand je me réveille et que je me rends compte que je rêve. Et je garde encore le fol espoir, un jour peut-être de te revoir. Et je garde encore le fol espoir, un jour peut-être de te revoir. Partout, ça y est, je suis fou. Au coin de la rue, j'ai des allus. Faut que je me soigne, que je prenne un bain, une bonne douche froide, que je vois un médecin. Je garde encore le fort espoir, un jour peut-être de te revoir. Je garde encore le fort espoir, un jour peut-être de te revoir. Je garde encore.